rage. C'est elle qui nettoie mes armes, et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Tout bien pour vous, 16h10, c'est Francky dans la radio, l'After Job, on est là et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. 96.2 FM, c'est la fréquence, hein, jusqu'à 18h, on voulait déjà vous souhaiter une très bonne année. Bon, on s'est pas vu depuis 2020, on s'est pas revu, en tout cas je vous souhaite à tous une bonne année, bonne santé, la famille et tout ça, voilà. Appelez-moi aujourd'hui 02 38 43 48 00 si vous voulez passer un message de bonne année, justement c'est le moment. 02 38 43 48 00 et je vous passe en direct à l'antenne Wheezy Joseph qui arrive. Bienvenue à 16h13 avec le meilleur des souvenirs, hein, les années 90. Là, c'est la reprise. Louisy, Joseph, Lincha, Sweetie, Fanny, Jim Alden, la musique dans la peau, version 2008. Heureux d'être avec vous, 16h13, c'est Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Salut à Bubu qui est là, salut à José, salut à Nadia qui est connectée. Vous êtes nombreux déjà sur le live Facebook, hein, connectez-vous, vous tapez Franck Lemaire Radio Arc-en-Ciel et puis on est en direct là sur le live du Facebook. Vous êtes beaucoup à me souhaiter la bonne année. Merci. Salut Bubu, ouais, champagne mon ami, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On vous souhaite une bonne après-midi, 16h14. Heureux d'être avec vous, 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Vous voulez m'appeler, passer un message de bonne année, ben allez-y, on a jusqu'à fin janvier pour le faire. On est en direct. Voici Lo que pasó, pasó. Pero estás bien y tú fallaste. claro ya, ¿ok? Daddy Yankee, lo que passo, la météo pour demain. Demain, on est le 7 janvier. Bah ouais, ça passe, hein. Ah ouais. La météo. J'ai l'impression que le réveillon là, du Nouvel An, c'était hier. On vous souhaite une bonne après-midi, 16h18, la météo pour demain. Malheureusement, les nuages vont arriver en quantité demain. Et avec quelques gouttes de pluie dans la matinée, en fin d'après-midi, les températures 7 à 10 degrés. Ouais, quelques rayons de soleil, mais très timides. Hein, donc demain, ça va se couvrir. Maria, Maria qui arrive. On aura aussi Nicky Jam avec des bons souvenirs. Et puis Alicia Keys, No One sur la concielle. Voici Nicky Jam, et on adore. Te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Bam bam bam, ça c'est du lourd, hein. Nicky Jam avec J Balvin, ex. Redette avec vous, Micheline qui nous écoute, on va la saluer. Salut Mich, j'espère que tu vas bien. Elle nous a même pas gardé une part de galette. Ouais, dimanche c'était la galette. J'en ai même pas mangé encore. Tiens, bah justement, appelez-moi 0238 43 48 00 si vous voulez m'offrir en direct une part de galette. Ouais, pourquoi pas. 16h20 minutes avec Santana et Maria. Maria. The sounds of the on the corner, thinking of ways to make me better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Souvenir en saison 24 avec Carlos Santana, Maria, Maria sur l'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, puis j'ai une pensée pour l'Australie, la galère là où hein, les incendies, plus de 500 millions d'animaux déjà disparus, c'est énorme, hein, puis tous les habitants, etc. qui galèrent. Alors j'ai cru comprendre qu'il avait commencé à pleuvoir là-haut. Donc j'espère que ça va continuer à pleuvoir hein, pour au moins soulager toutes ces personnes et les aider. Alors j'ai vu un message qui m'a fait un peu rigoler sur les réseaux sociaux. Pourquoi la France n'envoie pas les Canadair là-haut avec tous les Canadair qui sont dans les garages. Ouais, les Canadair. Je rigole un petit peu, hein, je vous explique pourquoi. Parce qu'un Canadair, ça a 2000 km d'autonomie pour voler. Voilà, l'Australie, ça a 15 000 bornes. Donc ça va être compliqué d'envoyer des Canadair en volant. Voilà, par les mers, faut les transporter. Voilà, ça va être ça le but. Et des pays plus proches qui peuvent aider. Enfin, tout le monde va mettre la main à la poche, ce que disait Macron aussi, pour justement aider l'Australie. Du moins, vous en pensez quoi, justement? Appelez-moi. C'est ce que dit Valérie. C'est grave ce qui se passe en Australie. Ouais, c'est super grave. Appelez-moi, on va en parler à l'antenne. 02 38 43 48 00. Alicia Keys qui arrive avec les bons souvenirs. On aura Charade avec Gimme the Funky Music, un tube 84, un vrai son funk à l'époque. Et puis No One, ça arrive, c'est Keys, Alicia sur Radio Arc-en-Ciel. It will only get better. là j'adore. Oh, Alicia Keys, l'année 96. Ouais, ça passe, hein, avec No One, personne ne renaîtra avec vous. 16h29, c'est Francky dans la radio. Un petit tour du côté du Finistère où une partie de chasse a failli mal tourner. Un chasseur a tiré à vue sur un sanglier, il l'a loupé et la balle a atterri dans une maison. Elle a traversé la baie vitrée et a fini dans la cuisine. Comme quoi, ça peut être dangereux. Hein. Ah ouais, ça peut être dangereux. 16h30, bientôt, avec des sons à l'ancienne sur la rancière 1984. Les vrais sons funky de l'époque avec Gimme the Funky Music. Charade. All you got. Get up. Yeah, it's time to After Job avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Richie, Peña, Gino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Te quiero, por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este mar que como espuma sube. Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo. Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural. Digno de admirar. Con un mundo de fantasía, lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. Como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho. Radio Arc-en-Ciel, le meilleur des souvenirs latina avec Chino et Nacho, My Nina Bonita. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis côté sport, on voulait féliciter le Saint-Privé Saint-Hilaire Football qui samedi soir ont créé le miracle, on va dire, face à Toulouse qui sont en Ligue 1. Ils les ont battus 1-0 pour cette 32e de finale de la Coupe de France. Ce soir, tirage pour les 16e Coupe de France qui va rencontrer Saint-Privé. Et ben, résultat, ce soir, en tout cas, bravo à Saint-Privé, Saint-Mémin. On essaiera d'avoir avant 18h le coach au téléphone. Je vais envoyer un petit message. On verra tranquille. Clean Bandit qui arrive sur la console et ça, on adore. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him, your life See, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give me you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up him there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to. Sean Paul, Rock Baby avec Clint Bandit sur la console. Retrouvez-vous, vous êtes peut-être en voiture à nous écouter. Bien, bienvenue. Salut Didier qui est là. Salut mon Didier. Il sera bientôt notre invité d'ailleurs, Didier Verchère, dans les studios de la radio. Eh ouais, il va nous parler de Sibyl, il va nous parler de son bouquin. Je serais content de le recevoir. Be happy la famille. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Et toujours des beaux invités sur Radio Arc-en-Ciel. Le 20 janvier, on aura l'honneur de recevoir Mathieu Cessinger, qui est le maire d'Olivet. Et voilà, il va nous parler de cette campagne 2020, parce que là, il va re-signer. Et ouais, ça y est, c'est reparti. Il sera en exclusivité. Je dis en exclu parce que c'est rare qu'il vienne dans les studios de la radio. Le maire d'Olivet, Mathieu Cessinger, l'invité, le 20, note bien, 20 janvier, à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Didier Verchère aussi, qui sera bientôt notre invité, photographe. Professionnel, amateur de CB, il a écrit un bouquin, ben, il sera bientôt dans les studios de la radio. On vous en reparle. Si vous, de l'autre côté de la radio, vous voulez être mon invité, ben, appelez-moi 02 38 43 48 00. Et on va être avec vous avec des bons souvenirs comme ça. L'après-midi, après avoir passé de bonnes fêtes. Voici un duo qu'on adorait, parce qu'ils sont séparés depuis. Cochrobin, When Your Heart Is Weak, sera la conscience. Way we look, surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You wear it too much, it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning right here. When your heart is weak, gone. hunt you down again. I'm out of patience when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. Cause when your heart is dans 46 minutes, un peu de détente dans ce monde de brut. Ouais, une grosse pensée à tous nos amis en Australie là. Ouais, la galère, là, les feux là-haut, c'est. Apparemment il a plu, j'ai vu hein, sur l'Est je crois de l'Australie. Hein. Je vais me renseigner mieux que ça, mais je pense qu'il a plu. Hein. Coco Robin, when you hurt, il se fait que la météo pour demain. La météo. La météo pour demain, eh bien le ciel va changer là. Il y a Didier qui nous a envoyé une belle photo du coucher de soleil sur la Loire en direct. Bah, une magnifique photo, bah profitez parce que demain ça va être grisaille. Hein, les températures 7 petits degrés. Ouais, on va pas dépasser les 7 le matin. Ouais, ça va être frisqué hein, demain matin. Et on va monter jusqu'à 10 degrés l'après-midi avec quelques averses, quelques nuages encore et encore. Mais le soleil ne sera pas au rendez-vous demain, malheureusement. Ben ouais, c'est comme ça. J'ai décidé, ça arrive. DJ démarre sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis la vie en rose par Donna Summer. Oh baby, tudo

belle reprise, hein, Donna Summer, La Vie en Rose, sur La Francielle, 16h54 minutes. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, mais que vous arrive-t-il? Vous êtes tout pâle, vous avez envie de vomir, vous avez envie d'aller aux toilettes? Eh bien, la gastro est de retour sur la région centre. Déjà plus de 7000 personnes touchées. Donc, lavez-vous bien les mains et puis évitez en ce moment de faire la bise. Ouais, c'est surtout comme ça qu'on l'attrape. Donc, attention. Ah, un petit envie d'aller aux toilettes? Allez-y, je vous en prie. Kuba Club qui arrive sur les MNT, sur la Franciale. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, bésame otro ratito. Me siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, besa, besa, besa, bésame otro ratito. Give me something you're all that I need. Now I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change, don't hurry now. Let me feel your soul, kiss me a little bit. Suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome. Bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame otra vez, suave. Quiero sentir tus labios besando otra vez. Besa, besa, besa un poquito. Besa, besa, besa, besa. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. I love what you do to me, so don't stop. Kiss me softly before your love. Kiss me, baby, one more time. Suave. 16h58 sera la Francielle avec Elvis Crespo. Quel tube latino! Suavemente! Rodrigo, c'est pour qui dans la radio jusqu'à 18h. Après, ce sera l'Espagne qui arrive. On va parler d'un motard qui s'est fait flasher dans quelques minutes. Ouais, plus de 202 km/h. Ah ouais, ça arrive. Et en plus, c'est du côté d'Orléans, à La Ferté exactement. Faire une course, mais j'étais trop pressée.

Le remix de Radio Arc-en-Ciel, 17h09, Mylène Farmer qui revient, je vous le disais, avec Boutana, avec un nouvel album, et je pense que ça va faire très mal. Et Caliente sur Radio Arc-en-Ciel à presque 5h10, et Despacito, le remix. Coucou à Edouard qui est connecté, salut Francky, je t'écoute dans la voiture depuis Olivier, et ça me fait plaisir d'écouter ta belle voix. Merci Edouard. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Hola, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. C'est vrai qu'on serait bien sur une plage à Puerto Rico en train de siroter un petit cocktail sans alcool, bien sûr. Despacito, le remix d'Eddie Yankee. On est là, Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est le bruit du motard qui est passé dimanche à la Ferté-Saint-Aubin. Il s'est fait flasher par la gendarmerie. Alors la route est limite à 80. Il s'est fait flasher à 202 km/h. Oh là là, quand même. Alors il y a plusieurs versions, hein. Danger ou pas danger, justement. Venez réagir, rappelez-moi, 02 38 43 48 00. 202 km/h pour ce motard qui s'est fait bien évidemment confisquer la moto et retirer le permis sur le champ. Heureusement d'ailleurs. It's alright, ça arrive. Et ça, c'est le meilleur des souvenirs l'après-midi dans l'After Job. Et c'est Francky dans la radio. To take it slow, count 1, 2, 3 and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes, and I can feel the heat that you try to hide, but that's the to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want shining in your eyes, and I can feel the heat that you try to hide, but that's the part of you that I want inside. It's alright, I know where to start. Avec le meilleur des souvenirs sur un arc-en-ciel, Donny Hines, It's Alright. Et puis j'ai le voir un truc de ouf quand même, hein. Pink, la chanteuse qui vient de signer un chèque de 500 000 dollars pour l'Australie pour aider justement les feux de forêt là-haut. Ah, c'est énorme. C'est Selena Gomez aussi qui a signé un chèque. Beaucoup de people, ça y est, comment à s'y mettre. Et c'est bien. Il faut leur filer un coup de main. Voilà. Daddy Yankee qui arrive avec la gasoline, hein, c'est le remix. Tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'ma tell you one more time, yo te doy la gasolina. Remix sympatoche, comme ça, 17h18, la gasolina. Ouais, c'est les débuts du reggaeton, ça. El Daddy Yankee, Pitbull, Lil Jones. L'After Job avec Frankie, le lundi de 16h à 18h. sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est vrai qu'on a plein de chaînes de télé, on ne sait jamais laquelle choisir. Il y a pas grand chose. Hein. Ce soir, je vous ai sélectionné 4 programmes. Voilà, j'ai sélectionné France 2, les Rivières Pourpres. Ça, on adore. Hein. J'adore hein, avec Jean Reno. Voilà, vous avez sur W9 Forrest Gump. Vas-y, cours Forrest, cours. Bien aussi. Ça, c'est mon petit préféré. Sur TMC, Bad Boys. Ouais, pour ceux qui aiment le délire. Et puis sur Sister, les 10 commandements, la version originale. Et ça, on adore aussi. À vous de choisir votre programme télé pour ce soir. Moi, j'ai choisi de la musique pour vous, histoire d'être toujours en vacances. Si vous venez tout juste de rentrer, justement, de belles vacances d'hiver, eh bien, voici la Madone avec les souvenirs, l'été 85, avec Holiday. Ça rappelle les vacances, ça. 83, je me suis gouré, t'es là, j'ai dit 84. Ah, d'une année, ouah, on m'en veut pas. La Madonna avec Holiday. Madonna, d'ailleurs, à l'époque, qui avait dansé sur le Born to Be Alive de Patrick Hernandez. Voilà, pour la petite info. Un peu de soleil caliente qui arrive sur la rancière La Camisa Negra avec les Latin Lovers. Me supo a gloria, hoy me sabe pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, aquel día te encontré. Por beber de veneno, me alivio de tu amor. Yo quiero morir hundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te dijo con disimulo. La camisa negra, la version originale c'était en 2000 avec Juanes. Là c'est les Latin Lovers. Ça rappelle des bons souvenirs latino. La météo pour demain. Demain on est le 7 janvier. Eh ouais, ça passe hein. La météo. Demain, mardi 7 janvier, eh bien, beaucoup de nuages malheureusement, quelques pluies encore dans l'après-midi. Les températures relevées du jour, 7 petits degrés, on ne dépassera pas les 10 degrés, mais malheureusement, la pluie qui refait son apparition demain, c'est pas grave. Toutes les filles qui nous écoutent aujourd'hui, on a un bon souvenir 82 à vous offrir, c'est Jean-Luc Lahaye, bah oui. di că știam, știam. T'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps. Pour me réchauffer en toi, ô femme, femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Tu sais, je t'aime, je t'aime. Et je dors dans ton corps. Femme, femme, je te dédie ces mots à toi. After Job avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Al fin eres dueña de tus sentimientos. Quel ok, 17h34 avec Baby Carl, c'est Bette sur Radar Arc-en-Ciel. Belle fin d'après-midi à vous, courage hein, si vous rentrez du boulot, bah ouais, ça y est, c'est la reprise aujourd'hui, pas facile, ouais, c'est pas facile. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis encore un invité de marque, il sera dans les studios de la radio, c'est le lundi 20 janvier, notez bien cette date. Monsieur le maire d'Olivet sera dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. C'est peut-être un lapsus révélateur. Mathieu Cessinger, et c'est pas facile à dire. Mathieu, qui est un ami, qui sera dans les studios de la radio, et ça me fait plaisir de le retrouver. Tous les ans, il vient nous voir, Mathieu Cessinger, dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Ça sera le 20 janvier, et ça sera vers 17h, voilà, en direct à la radio. Il va nous parler de cette belle ville d'Olivet. Ça va nous faire du bien, et puis plaisir de le recevoir, surtout Mathieu Cessinger. Notez la date, 20 janvier dans les cieux de la radio, puis les sons qui arrivent à l'ancienne. Yeah, you wanna know, act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low, and you need a place to go, oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Like you know, there's only Oh, le meilleur des souvenirs, 81, les Fat Larry's Band, ce groupe qui a été créé en 76. Ils étaient une dizaine dans le groupe, hein. Il y en a qu'un qui est décédé, c'est le leader, il s'appelait Fat. Un groupe qui arrive des States, des États-Unis, et puis ce tube, hein, qui a marqué les années 81, avec le son funky, music de l'époque. Les tournées qui arrivent sur un arc-en-ciel. Un peu de soleil, ça fait du bien. Dans ce monde où il fait froid en ce moment, eh, on n'est pas bien, sous la grisaille. Demain, le retour de la pluie, malheureusement, avec des températures, des petites températures, 7 degrés jusqu'à 10 degrés, mais le soleil de la Réunion est là avec Willy William et Alain Ramanisium. Alain Ramanisium, DJ Assad, ça fait plaisir de les retrouver. Ils nous ensoleillent notre fin d'après-midi, 17h43. Puis je viens de voir un truc sur internet encore pour l'Australie, justement, les incendies. Elle a récolté plus de $700,000, une jeune mannequin de 20 ans qui a proposé justement sur Twitter d'envoyer une photo de nu d'elle, alors là c'est pour la bonne cause, hein, en message privé, contre une preuve de don à la lutte contre les incendies en Australie. Voilà, comme quoi, des fois la nudité, bah ça peut aider. Un peu de douceur dans ce monde de brut, voici Laura Pozzini sur Radio Franciel. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore

moi Lolo. Je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagés. Jamais je n'oublierai ni relirai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens. Je veux simplement te raisonner. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs. C'est la triste réalité. Oh oui, oh, olvídame mi amor. Oh oui, oh, ya se sanó el dolor. Oh oui, oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagé. Jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens. Un peu de tendresse, tiens, ça c'est pour Micheline qui nous écoute des côtés de Ingré, Orme, ouais, une bonne pensée à elle, tiens. Sur Radar Franciel 96.2 FM, Fabian, Juan May, tous ces moments, les bons souvenirs qui arrivent avec les Pink Floyd. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. La vie est belle avec des tubes. Et quel tube ? Et le tube planétaire, Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Sur la conciel Pink Floyd, Another Break on the Wall. Heureux d'être avec vous, c'est Francky jusqu'à 18h dans moins de 2 minutes. C'est Jackie qui arrive avec les balcons d'Espagne. Moi je vais vous retrouver la semaine prochaine, demain je serai pas là. Ouais, la semaine prochaine, lundi, à partir de 16h jusqu'à 18h avec un invité surprise. Et pas n'importe quel, vous allez avoir une grosse, grosse surprise pour vous. Bonne soirée, Francky dans la radio 96.2 FM. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Une année riche en événements se prépare pour Radio Arc-en-Ciel. Nous pouvons dès à présent vous annoncer les prochaines dates. Repas suivi d'un bal pour la fête des amoureux, le 15 février à la salle de Saint-Privé-Saint-Ménin, avec le groupe de Schwado et le duo 25 avril pour créer l'ambiance musicale. Et